Quand Alexandre apprit que son précepteur Aristote avait publié ses leçons, il remplissait presque toute l'Asie du bruit de ses armes et harcelait Darius de combats et de victoires. Il se néanmoins trouvait le loisir d'écrire à Aristote. Alexandre à Aristote salue. Tu n'as pas bien fait de publier tes leçons. En quoi serais-je supérieur au reste des hommes si la science que j'ai reçue de toi devient la possession de tout le monde? J'aurais voulu l'emporter par le savoir plutôt que par la puissance. Adieu. Aristote au roi Alexandre salue. Tu m'as écrit au sujet de mes leçons. Tu penses que j'aurais dû les tenir secrètes. Sache qu'elles sont publiées et qu'elles ne le sont pas, car elles ne seront intelligibles que pour ceux qui m'ont compris. Adieu.